Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus et d'avoir bravé les grands froids pour venir nous voir. Bon, ils sont venus se réchauffer ici. Ah, peut-être ils ont des coupures de chauffage chez eux et qu'ils sont venus ici. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ronald Craig. Alors peut-être quelques personnes ne le connaissent pas, donc je ne sais pas. C'est une célébrité. C'est pas la première fois qu'il vient au CIRA. Il est venu régulièrement nous présenter ses derniers ouvrages ou ses derniers thèmes de recherche. Donc Ronald Craig est historien et sociologue. Après avoir fait divers métiers, il a fini par être professeur d'université. Carrière qui a eu lieu à Montpellier, à l'université Paul Valéry, où il a enseigné la civilisation américaine. Et il a pris sa retraite, je ne sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années. Et maintenant, il en est professeur émérite, ce qui veut dire que de temps en temps, il participe à des colloques ou à des soutenances de thèse, peut-être. Donc là, on a un échantillon des ouvrages qu'il a écrits, mais Ronald a surtout écrit des articles dans la presse, effectivement, surtout sur les États-Unis. Donc les thèmes, l'affaire Sacco et Vanzetti, l'histoire de l'anarchisme aux États-Unis, le terrorisme, une petite brochure qui a été écrite à la suite du 11 septembre. Ronald anime le site Recherche sur l'anarchisme, dont on peut en parler depuis des années. Donc c'est un des pionniers d'Internet, parce que je me souviens qu'il nous a parlé d'Internet alors qu'il n'y avait quasiment que la CIA qui s'en occupait et quelques anarchistes. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un livre qui vient de paraître aux éditions Agon, qui s'appelle Utopie américaine et qui en réalité est une nouvelle édition. Enfin, ça aussi, tu vas nous le dire. Une nouvelle édition très complétée et actualisée d'un livre qui était paru chez Payot en 1983 qui s'appelait Laboratoire de l'Utopie. Donc j'en ai assez dit, je te laisse la parole. Attends, deux petits secondes, on va remonter et régler l'exploit, non pas sur l'écran, mais sur un. Là. Oh là là. Voilà. Et on va dire ça, d'autant plus que, si vous voulez, voilà, c'est passé presque bon, je pense. Ah, dis donc, là, c'est la mallette, là. Ronald, tu me montres ta main gauche pour que je la... Voilà, chaque fois que j'allume, ce n'est pas du tout pour faire des remarques, mais c'est pour que l'image change. Bon, bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. Je remercie en particulier l'équipe d'Agone qui a eu la gentillesse et qui me fait l'honneur d'être là, puisque c'est elle qui a eu la gentillesse aussi de me publier. Je suis donc très heureux, mais je dois commencer par deux aveux. Le premier, c'est que je ne suis pas américain. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas vécu dans les milieux libres. J'en ai fréquenté, j'en ai visité, mais je n'ai pas vécu. Donc je ne parle pas d'expérience personnelle, mais plutôt comme observateur qui était au départ plutôt réticent et qui aujourd'hui a changé d'avis sur la question. Cela dit, je dois vous dire que je terminerai donc à 6h moins 10 ou moins 5, mais pas après, pour vous laisser le temps de poser toutes les questions. Maintenant, voici le plan que je ne vais pas suivre, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas de toute façon, parce que vous allez me voir beaucoup divaguer, mais je retomberai quand même sur mes pieds. Autant que possible. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent à propos de ce problème des milieux libres, ce que j'aime l'appeler les milieux libres, mais enfin, on peut l'appeler aussi des communautés, mais le mot communauté aujourd'hui a des connotations un peu péjoratives en France. Un peu, voilà, ça fait penser aux communautés religieuses, les communautés ethniques aussi, le communautarisme, etc. Donc quand je vais employer ces mots, il faut se mettre dans le contexte américain. L'aspect général qui se pose, si vous voulez, c'est le fait que aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est en plein bouleversement, et dans lequel on se trouve dans l'impression que nous sommes des pions totalement manipulés Lorsque nous votons, nous sommes 1,50 ou 1,60 millionième de votants. Voilà ce que nous représentons dans les décisions qui sont prises. Autrement dit, nous sommes des gens qui ne prennent aucune décision, en fait. Qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour nous. Nous avons l'impression que, de toute façon, aujourd'hui, nous assistons à un nouveau type de colonisation qui est celui des multinationales, avec l'entente évidemment des États, c'est-à-dire de groupes de population qui seraient, disons, les colons sympathiques pour les multinationales qui collaborent avec elles. Voilà un peu en très gros la situation telle que souvent on peut l'apercevoir, et l'idée évidemment, comment peut-on changer le monde? Alors avec évidemment différents points de vue, différentes approches. Et l'approche que je présente est une approche qui est, au départ, a été quand même assez fréquente aux États-Unis, qui est, il faut changer tout de suite. Non pas demain, non pas dès lendemain qui chante, mais changer tout de suite. Et si on ne peut pas changer le monde, au moins changer ma vie. Changer sa vie tout de suite. Donc ce que je vais vous dire va vous toucher très profondément peut-être, parce que ça va remuer des choses en vous. Nous avons tous nos habitudes, nous avons intériorisé nos systèmes de pensée, nous avons intériorisé nos affections d'une certaine manière, et donc il y a des choses que je veux dire qui vont peut-être vous surprendre, vous choquer, ou au contraire que vous allez approuver, mais avec des réticences et ainsi de suite, tant mieux. Donc, l'idée est d'aborder un peu, et donc je vais d'abord pour commencer préciser que je ne vais pas parler de tous les milieux libres. Il doit y avoir plusieurs milliers de communautés aux États-Unis, peut-être même des dizaines de milliers. Je crois qu'on en compte actuellement, mais avec moi les chiffres sont toujours très aléatoires. Disons qu'il doit y en avoir grosso modo peut-être 20 000 actuellement, mais de très diverses, des communautés religieuses, des communautés thérapeutiques et ainsi de suite. Moi, j'ai voulu me concentrer sur ce que j'appelle les milieux libres anarchisants. Et donc, je vais bien préciser deux choses très distinctes, deux formes d'anarchisme extrêmement différentes. L'un qui est l'anarchisme organisé, qui est né en Europe dans les années 1870, il est né en Suisse. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que ce sont des ouvriers spécialisés, vous savez, les horlogers suisses, ils sont réputés pour leur précision, et imaginez que ces horlogers suisses aient choisi d'appeler leur mouvement anarchiste, c'est-à-dire le chaos, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et étonnant. Donc, que je rappelle très brièvement en quoi consiste ce mouvement organisé. La première chose, c'est le refus de toute la pyramide sociale, de toute la pyramide d'autorité. Plus exactement, c'est une distinction qui n'est pas toujours très faite dans le vocabulaire et qui, moi, à laquelle je tiens beaucoup, c'est le refus de toutes les formes de domination. Parce qu'il y a les autorités de compétence, qu'on peut reconnaître, il y a les autorités d'affection aussi. Mais la domination, c'est autre chose. La domination consiste à imposer à des gens des choses qu'ils ne veulent pas. Alors, pensez à n'importe quelle forme de domination, la domination des hommes sur les femmes, des intellectuels sur les non-intellectuels, des pays riches sur les pays pauvres. Pensez à n'importe quelle forme de domination. L'anarchisme organisé est en principe contre toutes les formes de domination. Mais en particulier, depuis surtout la fin du 19e siècle, l'accent a surtout été mis, pour des raisons trop longues à expliquer, sur la domination de l'État. C'est-à-dire que l'anarchisme pense qu'il faut supprimer l'État. C'est une chose qui est très difficile à expliquer en France, parce que d'une manière générale, en France, on confond toujours la société et l'État. On imagine toujours que la société, c'est l'État, et l'État, c'est la société, ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il y a, bon, ce qu'on appelle quelquefois la société civile, mais qui ne comprend pas tout le monde, n'est-ce pas? Elle ne comprend pas les immigrants, elle ne comprend pas les non-citoyens, etc. Donc, les anarchistes font une grande distinction entre ce qu'ils appellent le peuple, quoi, la population, la société, et l'État. Et pour eux, l'État est un appareil de domination de la société. Ce n'est pas l'expression de la société, c'est un appareil de domination. Et donc, l'anarchisme organisé n'est pas seulement quelque chose de négatif, il ne veut pas simplement rejeter l'État et les formes de domination, mais il propose un autre type d'organisation sociale qui est comprend de nombreuses choses telles que la décentralisation totale, l'autogestion, la création de mutuelles, des quantités d'autres formes comme ça, d'organisation de solidarité et d'entraide et ainsi de suite, l'éducation mutuelle entre adultes et enfants et entre adultes aussi, et bien entendu donc une révolution sociale qui ne consiste pas à prendre le pouvoir, justement, puisqu'on ne veut pas de domination, mais à le supprimer. Ce qui ne veut pas dire du tout que l'anarchisme se fait des illusions sur une société qui serait ensuite sans conflit. L'anarchisme est une société, conçoit que dans la société il y a le conflit, et le conflit existera toujours. Le problème est de savoir comment le gérer. D'autre part aussi, l'anarchisme ne pense pas du tout, contrairement à ce que quelquefois est dit, que la nature humaine est bonne et qu'on peut faire confiance aux hommes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il c'est pas justement qu'il n'a pas cette confiance, qu'il ne veut pas non plus avoir de représentants et qu'il rejette toute forme de représentation. Donc, voilà cet anarchisme organisé. Mais celui dont moi je veux parler, c'est ce que j'appelle l'anarchisme diffus. Et cet anarchisme diffus est quelque chose qui est beaucoup plus vague, mais qui est quand même une chose extrêmement importante. Alors, je vous lis le texte parce qu'il n'est peut-être pas très facile à lire. C'est une citation du géographe Élisée Reclus. « De tout temps, il y a eu des hommes libres, des contempteurs de la loi, des hommes vivant sans maître, de par le droit primordial de leur existence et de leur pensée. Mais si l'anarchie est aussi ancienne que l'humanité, du moins ceux qui la représentent apportent-ils quelque chose de nouveau dans le monde ? Ils ont la conscience précise du but poursuivi et d'une extrémité de la terre à l'autre, s'accordent dans leur idéal pour repousser toute forme de gouvernement. » Donc, l'anarchisme diffus est un peu une réponse à la question: est-ce que les anarchistes ne sont pas des utopistes? Est-ce qu'ils n'imaginent pas une société qui est irréalisable? Et il est vrai que, par exemple, les anarchistes au XIXe siècle, quand ils disaient que la femme est l'égale de l'homme, on leur disait « mais c'est absolument contre la nature humaine, c'est totalement immoral, c'est utopique, c'est impensable » et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qui était considéré comme utopique se réalise dans un certain nombre, en tout cas on vise à le réaliser dans un certain nombre de lieux et de pays. De même, lorsqu'on disait « il faut pratiquer le contrôle des naissances », ils ont suscité également, à ce moment-là, ils étaient considérés comme des utopistes, ça semblait irréalisable, et pourtant, ça s'est aussi réalisé. Ils ont proposé également beaucoup d'autres aspects, et donc ce sont ces différents aspects qu'ils ont posés, comme le style de vie, le changement de vie, le style d'éducation, la contestation de l'autorité, etc. Contestation de l'autorité, même, par exemple, dans le milieu artistique, par exemple, un grand nombre de peintres impressionnistes du 19e et du 20e siècle, et même d'aujourd'hui, se sont référés à l'anarchisme, par exemple des gens comme Pissarro et d'autres. Donc, l'autorité, on la voit dans tous les aspects. Nous la voyons aujourd'hui, par exemple, les politiques qui se réfugient derrière l'autorité des scientifiques et des spécialistes à propos de la grippe aviaire, à propos des pandémies, à propos de l'écologie, etc. Nous sommes en train d'assister, dans une certaine mesure, à non pas la dictature des scientifiques, parce qu'en réalité, ils ne servent que de drapeau derrière lequel se cachent les multinationales, mais nous nous trouvons devant un système comme ça. Bon, je ne parlerai pas du système dissipatif, parce que ça nous écarterait trop loin, et donc je passe tout de suite à voilà donc la question de l'utopie. C'est-à-dire que, si vous voulez, je pense qu'on a trop présenté l'utopie d'une manière anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on a conçu l'utopie comme étant quelque chose dans l'imagination de l'homme, De fait, il y a eu des écrits utopiques, il y a eu des récits qui se sont considérés comme utopiques, qui présentaient tantôt une société idéale, mais pas forcément des sociétés idéales toujours. Ces récits, en général, ont correspondu surtout, pendant très longtemps, à des époques où il y avait la censure, où on ne pouvait pas critiquer l'État, on ne pouvait pas critiquer les autorités, on ne pouvait pas critiquer le gouvernement. Donc on écrivait des livres, on décrivait des pays imaginaires, où l'on voyait des formes de gouvernement, des formes de vie sociale, qui étaient peut-être censurées en fait, mais qu'on mettait dans des îles inconnues, invisibles et lointaines, et c'est... voilà. Mais en fait, je pense personnellement que, contrairement à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, nous devons faire une révolution galiléenne ou copernicienne de l'utopie. L'utopie n'est pas dans l'imagination, l'utopie elle est dans l'univers, c'est l'univers qui est utopique. Je prends un exemple tout bête, lorsque la Terre n'était que des gaz, imaginez qu'un jour il y aurait du sol solide, c'était de l'utopie. Quand il y avait des poissons, pensez qu'un jour il y aurait des oiseaux, que ça volerait dans les airs, c'était de l'utopie. Lorsqu'ensuite il y a eu tous les développements que nous connaissons, c'était de l'utopie. Penser que l'univers, dont nous ne savons pas s'il pense ou s'il ne pense pas, a été capable de créer la pensée, c'est quand même de l'utopie. Autrement dit, pour moi, l'utopie, c'est l'univers lui-même, et c'est notre manière de percevoir l'univers. Et pour moi, les utopistes ou les utopiens sont des gens qui essayent de voir, justement, toutes ces possibilités qui sont offertes. Et donc, les projets utopiques qui existent sont des manières de voir les possibilités, les opportunités qui s'offrent à chaque instant de la vie. Alors, les projets utopiques s'inscrivent toujours dans un espace. C'est vrai que le mot utopie veut dire nulle part, c'est une des explications, c'est un des sens, mais il peut aussi avoir un autre sens qui veut dire le lieu de bonheur. Et en fait, les utopies, on a toujours dû les mettre dans un espace. Et je prends un des premiers exemples de l'utopie, enfin un des exemples le plus connu, c'est celui du panopticon de Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, qui est un modèle de prison. Ah non, il ne faut pas vous renverser quand même. Attendez, venez ici, là, vous avez une place, madame. Mais non, je vous en prie. Oui, donc le panopticon de Jeremy Bentham est un modèle d'utopie, c'est un modèle de prison. Le gardien se trouve au centre et il peut voir tout le monde. Bon, aujourd'hui, on est en train d'essayer de réaliser le panopticon avec les caméras qui sont un peu partout pour pouvoir surveiller la société, n'est-ce pas? Donc on essaye de réaliser cette utopie. Évidemment, ce serait intéressant si nous pouvions nous mettre des caméras à l'Élysée et surtout nos gouvernants pour voir aussi comment eux ils font, n'est-ce pas? Une des utopies les plus anciennes, c'est celle au XVe siècle de la cité idéale. Ça a été fait donc à Florence par le sculpteur et architecte qui s'appelait, qu'on surnomme le Filarete, son vrai nom c'était Pietro Avellino, qui a vécu à Florence. Et là, la cité idéale a évidemment, comme vous l'imaginez, comme vous le voyez, une forme géométrique, parce que la géométrie apparaît toujours très souvent comme un modèle de perfection. Et comme vous le voyez, ce sont des rues qui sont conçues d'une manière, avec une géométrie également, il y a des qualités, etc. Alors, ça répond à des perspectives, c'est-à-dire qu'il s'agit de détruire les habitations, le type d'habitat du Moyen-Âge, qui était fait beaucoup plus sous les formes de convivialité, c'est-à-dire qu'on s'installait les uns à côté des autres, etc. Et évidemment, les envoyés du seigneur, du prince, ne pouvaient pas s'y retrouver toujours. Donc il fallait qu'on puisse accéder à tout le monde pour pouvoir percevoir les impôts de tout le monde et ainsi que ramasser les gens, les jeunes pour les services militaires, etc. Donc c'était pour pouvoir mieux contrôler, avec le prince qui se trouvait au centre de la ville, des tours et des entrées évidemment tout autour de la ville, Et alors des lieux spécialisés, par exemple pour chaque marché et ainsi de suite. Et ça, c'est aussi en train de se réaliser sous certaines formes. Par exemple, Brasilia a un peu repris ce modèle, et Canberra en Australie également, avec des rues qui sont exactement un peu dans le style là, de celle de l'illustration du bas. Les lieux spécialisés, on est en train de les voir aussi apparaître dans les villes, avec par exemple le quartier purement médical, le quartier commercial. Nous assistons à la destruction de la ville que nous avons connue, qui était probablement beaucoup plus construit en fonction des besoins des gens, pour une ville qui a été pensée pour d'autres intérêts, évidemment. Alors l'utopie, donc c'est très ancien, ça remonte à Platon et même avant, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont deux grands utopistes qui ont marqué très profondément les États-Unis. Charles Fourier, qui a été jusqu'à faire la critique, non pas seulement de la société d'une manière générale, mais de la civilisation comme telle, et Robert Owen, dont je vais parler davantage, parce que il a eu un très gros impact aux États-Unis et qu'il y a eu beaucoup de communautés owéniennes qui se rassemblaient, qui ressemblaient un peu ou qui avaient des traits déjà relativement libertaires. Donc, voilà la communauté de modèles tels que l'imaginait Robert Owen. Vous voyez que c'était aussi quelque chose de géométrique. Alors, Robert Owen avait eu une expérience très malheureuse quand il était enfant. Il avait mangé je ne sais plus quoi qui lui avait détraqué l'estomac pour le restant de ses jours, et il en avait tiré une conclusion, c'est qu'on est marqué par notre environnement. D'où il en a tiré une philosophie, c'est que si on change en... Voilà. Il n'y a pas de mal. Bonsoir. C'est que alors, l'idée de Owen, c'est que si on veut changer les gens, il faut changer l'environnement. Owen insiste au départ de la société industrielle en Grande-Bretagne. Il est affolé et attristé de voir les conditions de vie de travail des ouvriers et ainsi de suite. Il est très riche parce qu'il a épousé la fille du patron. Donc il va utiliser son argent pour essayer de changer le monde tout entier. Il va donc envoyer des lettres à tous les gouvernants, à tous les rois, à tous les princes de la terre qu'il connaît, pour leur proposer son modèle de société idéale qu'on peut réaliser, parce qu'il pense qu'on peut réaliser la société idéale si on change cet environnement. Et voilà un exemple. Et donc il va aller aux États-Unis et il va avoir une audience extraordinaire. Il va parler devant tout le Congrès américain réuni, c'est-à-dire il y a même le président des États-Unis qui est là à l'écouter et deux des anciens présidents qui sont là aussi. Et il va leur proposer son projet et il va le réaliser donc dans la communauté de la Nouvelle Harmonie et cette communauté modèle de Robert Owen. Voilà un peu maintenant les différents aspects que je vais traiter. Alors, vous voyez que c'est tout à fait autre chose, évidemment, que le joli plan qu'il avait eu. Il va acheter une communauté religieuse qui, ayant trop réussi au point de vue financier, son fondateur a décidé qu'il faut tout recommencer à zéro, donc ils s'en vont, et ils revendent leurs locaux, et il va donc commencer là. Cette communauté va durer à peine 2 ans et demi, 3 ans, mais c'est une communauté qui continue encore aujourd'hui à inspirer énormément de monde, parce que c'est une communauté qui a été vraiment pionnière à son époque. C'est la première fois, voilà un dortoir communautaire, c'est la première fois que aux États-Unis on déclare l'égalité de l'homme et de la femme. Vous savez que les femmes n'avaient pas le droit de voter à l'époque. Que on va dire le mariage est un emprisonnement, l'église c'est une superstition, donc tous les fonds de... et la propriété, il va attaquer la propriété, il va se dire communiste, Donc, les fondements mêmes de la société américaine, Robert Owen les remet en cause. Naturellement, il va s'attirer énormément de critiques et les foudres de tout le monde, mais sur le moment, il y a un grand enthousiasme, il y a des centaines de gens qui vont venir participer à l'expérience sans aucune préparation, beaucoup de gens qui espèrent évidemment profiter de l'occasion, puisque c'est quelqu'un de très riche, ils se disent « bon, je vais être entretenu », donc il va y avoir des conflits énormes, mais il y a aussi des savants, la plupart des savants, enfin plusieurs des savants qui sont à l'époque aux États-Unis vont venir aussi participer à la communauté. Il va y avoir des expériences modèles au point de vue pédagogique. Par exemple, on voudra que les enfants fassent à la fois une moitié de la journée en travail manuel et l'autre moitié en travail intellectuel, parce qu'il s'agit de développer toute la personnalité et en plus de permettre à quelqu'un de pouvoir faire différents métiers si besoin est. Et donc on essaye de trouver même des méthodes pour qu'il apprenne les métiers très rapidement. Il y a donc des conflits qui vont naître parce que on va décider que tout le monde sera payé de la même manière. Et naturellement, par exemple, les laboureurs n'acceptent pas d'être payés aussi bas que les manœuvres, ou aussi haut que les manœuvres. Enfin, il faudrait avoir une différence au point de vue prix. Alors c'est ça qui va créer, enfin, cela et puis d'autres aspects aussi vont créer un certain nombre de conflits. Et cette communauté, du coup, va se dissoudre. N'empêche que son caractère de pionnier qui est extraordinaire va faire que les gens d'ailleurs qui ont participé à cette communauté, beaucoup des animateurs de ces communautés, vont ensuite rayonner dans tous les États-Unis. Par exemple, Francis Wright, qui a participé à cette expérience, va aller à New York avec Robert Dale Owen, le fils de Robert Owen, et ils vont créer là-bas, donc dans les années 1840, oui, parce que j'ai oublié de vous dire que c'était en 1826 que cette expérience a eu lieu, ils vont créer ce qu'on pourrait appeler déjà une université populaire dans le monde ouvrier, où il y aura des cours qui seront donnés sur des sujets comme l'ethnologie et beaucoup de choses comme ça. C'est là que va naître déjà les premiers pas de la sociologie américaine. Et nous avons également, par exemple, la sœur de Frances Wright, qui va fonder une communauté en plein milieu esclavagiste, dans lequel il y aura des noirs et des blancs, et naturellement aussi des liaisons amoureuses qui auront lieu, ce qui va faire évidemment que la communauté sera obligée de fermer, parce qu'il y aura beaucoup trop de protestations, etc. Voilà une peinture qui représente toujours la communauté vue de loin. Bon, c'est présenté de manière un petit peu idyllique. En tout cas, cette communauté de New Harmony qui est au centre des États-Unis existe, la communauté n'existe plus, mais la ville existe aujourd'hui encore. Et si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, c'est évidemment un petit peu en dehors des chemins habituels touristiques, mais ça vaut vraiment la peine d'aller la voir parce que c'est un lieu qui est empreint de quand c'est vraiment ce qu'on appelle un lieu de mémoire. Beaucoup de personnes important d'ailleurs sans passer par là, parce que c'est un lieu d'aspiration. Voilà, donc là aussi, comme vous le voyez, les rues sont faites évidemment à la manière américaine, c'est-à-dire ce sont des carrés, damiers, donc dans l'état d'Indiana. Par contre, dans la communauté de New Harmony, nous avons un autre individu qui va apparaître, qui est Josiah Warren, qui va tenter, lui, une communauté de type totalement différent de celle de Owen. La première chose, c'est que lui, ce n'est pas une communauté modèle, ce n'est pas une communauté idéale. C'est un laboratoire social dans lequel on va expérimenter si les idées nouvelles qu'il a sont valables, sont faisables ou pas. Alors, Josiah Warren est un homme très modeste. C'est un musicien qui a été dans la communauté de la Nouvelle Harmonie, mais c'est aussi un inventeur. Il a inventé beaucoup de choses. Par exemple, il a dit les journaux, ça ne donne que l'opinion de l'éditeur ou du propriétaire. Donc il faut que tout le monde ait son journal. Et il a inventé une imprimante bon marché pour que tout le monde puisse la voir. Alors naturellement, la concurrence lui a cassé. Enfin, disons que c'est un précurseur des blogs. Un autre aspect sur lequel il insiste beaucoup, c'est la notion d'individualisme. Alors là aussi, quand je parle d'individualisme au sens américain du terme, ce n'est pas du tout ce qu'on entend par l'individualisme en France, et encore moins l'individualisme libéral, tel qu'on nous le présente aujourd'hui. Ce que Josiah Warren dit, c'est que chacun de nous est différent de tout le monde, et les mots que nous avons ont un sens pour nous qui n'est pas celui des autres. Nous avons énormément de difficultés à nous comprendre les uns les autres, même quand nous vivons ensemble, parce que nous avons tous notre propre chanson, notre propre musique, et même que bien que nous employions des mots communs, nous ne pouvons pas nous entendre vraiment. Donc, les échanges sociaux doivent être le plus simple possible et on va faire la première expérience qui consistera à avoir un grand magasin comme il y en avait dans la campagne il y a encore quelques années, vous savez, où on achète un peu tout, la quincaillerie, où on vend aussi du pain, etc. Et dans son magasin, il a une horloge. Et lorsque quelqu'un vient pour se faire servir, il met en route l'horloge et il fait payer aux gens le temps d'horloge que cela lui a demandé. Il leur distribue, il leur donne un billet qui représente le temps de monnaie qu'ils lui doivent et il va leur demander de lui accorder le même temps de travail équivalent. Et il va faire ça même avec ses enfants. Par exemple, ils n'auront pas droit au petit déjeuner, n'est-ce pas, s'ils n'ont pas fait un temps équivalent de travail. C'est-à-dire que si le petit déjeuner a demandé 30 minutes et qu'il y a 3 enfants, ben chaque enfant doit faire 10 minutes de travail à la maison pour mériter son petit déjeuner. Donc, ça fonctionne. Alors, il va créer des communautés et il va créer son modèle aussi. C'est la communauté de Modern Times qui se trouve à Long Island, dans l'état de New York, pas très loin de New York d'ailleurs, n'est-ce pas? Et alors, là aussi, il va prendre donc un modèle géométrique, mais toujours pour des raisons individualistes, c'est-à-dire que chaque maison va avoir 4 portes de chaque côté pour que vous puissiez sortir sans que votre voisin vous voie si vous le vous souhaitez. Et dans les rues, on va planter des arbres fruitiers pour que les visiteurs ne soient pas humiliés et aient besoin de vous demander de la nourriture, mais qu'ils puissent se servir. Donc, il y a quand même l'aspect communautaire, comme vous le voyez, et l'aspect d'accueil. D'autre part, on ne peut pas vendre les terres à côté de chez vous sans l'accord de tous les voisins, de manière à ce qu'il y ait quand même une relative entente. Et donc, un certain nombre de gens vont venir. Il va y avoir des choses absolument extraordinaires qui vont se faire. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails, je vous raconte par ailleurs. Mais, par exemple, bon, imaginez que nous sommes dans l'Amérique des années 1850, le puritanisme le plus total, etc. Et que là, il y a un journal qui paraît pour les gens qui recherchent leur âme sœur. Et d'ailleurs, il va se créer une communauté, un milieu libre, qui va se mettre dans un hôtel, je crois que c'est dans l'Illinois, n'est-ce pas, en attente de leur âme sœur. Ils vont faire aussi un milieu libre là-bas. Alors naturellement, la communauté de Modern Times va recevoir beaucoup de critiques à cause de ça, parce qu'on va dire, ben oui, c'est Modern Times dans lequel aucun enfant ne sait qui est son père ni qui est sa mère, n'est-ce pas, ce qui est évidemment absolument... Mais alors la chose extraordinaire quand même, c'est que tous les gens qui étaient là-dedans, Modern Times, étaient des gens qui étaient de conditions très très pauvres, très malheureux dans la vie, et qui vont construire leur maison en s'aidant réciproquement avec cette monnaie de papier qu'il a créée, et qu'on retrouve aujourd'hui, n'est-ce pas, dans l'idée de temps de travail, qui sont reprises d'ailleurs. D'ailleurs aussi la monnaie de Warren est reprise dernièrement, enfin depuis quelques années, aux États-Unis aussi. Par exemple, des étudiants vont travailler, faire du babysitting chez les avocats, et ils auront un nombre équivalent d'aide au point de vue temps de la part de l'avocat, quoi. Donc ce sont des choses qui ont fonctionné aussi. Et alors Josiah Warren va écrire plusieurs livres qu'il va imprimer lui-même, qui sont très peu lus évidemment. Et bien, ce que j'ai constaté, et ça c'est une des choses aussi qui m'a incité à écrire quand même, c'est que Josiah Warren, qui a publié très peu, qui a eu des petites éditions, a quand même été lu par Marx, il a été lu par Auguste Comte, il a été lu par Cabet, et il a été lu par donc quelques-uns des penseurs les plus importants du XIXe siècle, il n'a jamais su, n'est-ce pas ? Ce qui montre quand même l'importance des choses que nous faisons tous dans notre vie quotidienne et des influences que nous pouvons avoir sans le savoir. Il va y avoir, voilà encore un aspect là, de la communauté de Modern Times qui va durer pratiquement jusqu'à la guerre de sécession. Et chose absolument étonnante, c'est qu'ils ont même payé les impôts avec cette monnaie de Warren. C'est incroyable, mais c'est vrai. Voilà, ça c'est la maison où tout le monde se réunissait le dimanche pour parler, pour échanger, pour discuter, pour éventuellement chanter et danser. On dansait beaucoup. Il faut vous dire que dans les communautés, dans tous les milieux de vie dont je vous parle, la musique tient un rôle très important, la danse, le chant, ça prend beaucoup, beaucoup d'importance dans tous ces milieux-là. Donc ils se retrouvent là, d'ailleurs, et cette maison existe toujours, enfin elle existait quand j'y suis passé il y a quelques années, elle a même servi d'école à un moment donné, et là elle a été achetée par des journalistes, je crois. Donc si vous allez à New York, vous avez là un lieu à voir. Alors à New York même, il y avait donc un avocat dont je ne vous raconte pas la vie aussi parce que ce serait beaucoup trop long, mais qui avait été aussi un avocat qui avait défendu non pas seulement enfin, l'abolition de l'esclavage, mais qui était allé en Angleterre pour essayer de négocier l'indépendance du Texas pour ne pas qu'il y ait l'esclavage au Texas étant donné qu'il était texan, donc il a été obligé de partir. Il est venu à New York et c'était un partisan de l'amour libre. Et alors il a créé, à New York même, ça c'est évidemment New York de l'époque, comme vous voyez, c'est encore assez pastoral, n'est-ce pas ? Nous sommes dans les années 1860-70, par là. Il a créé donc une maison unitaire où il y avait un certain nombre d'avantages qui étaient offerts aux gens. Par exemple, Andrews dit, c'est pas normal que les femmes passent leur vie à faire la cuisine pour leurs enfants et pour la famille, donc on va faire une cuisine collective. Il va organiser aussi des grandes soirées parce qu'il estime que le modèle idéal de société, c'est la réception où tout le monde se voit, où on peut échanger, danser, chanter, etc. Et ça va d'ailleurs amener des histoires assez rocambolesques, évidemment, parce que, bon, comme Stephen Paul Andrews est un partisan de l'amour libre, il y a évidemment quelques histoires, en particulier il y a l'histoire là d'une dame qui va chercher son mari et qui le sort par l'oreille et qui le tire dehors, n'est-ce pas, parce qu'elle trouvait que sa conduite n'était pas acceptable, alors qu'elle-même, d'ailleurs, lui avait donné quelques raisons d'être jaloux. Il y aura même une descente de police, on va arrêter même un millionnaire qui se trouvait là. Donc, et c'est d'ailleurs avec Stephen Paul Andrews que va se coaguler cette espèce d'université populaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous avons là déjà un premier exemple de milieu libre qui se fait en ville. Et aussi, il paraît, je n'ai pas pu le vérifier, qu'il y avait même d'ailleurs un travesti qui était là, qui vivait là, en robe, qu'il y avait un ancien prêtre également. Donc, une grande tolérance et une grande acceptation des choses. Nous allons, parce que le temps passe et que je vous ai promis de terminer dans 5 minutes, nous allons passer très rapidement maintenant sur quelques communautés beaucoup plus récentes et puis je vais terminer par les actuelles. Donc nous avons d'abord la communauté qui avait commencé à New York, qui était une communauté qui avait commencé d'abord par une école pour les enfants, une école moderne, très intéressante au point de vue pédagogique, avec beaucoup d'expériences intéressantes. Et par exemple, les enfants n'étaient pas obligés d'aller à l'école. Mais comme toute la communauté se préoccupait d'eux, tous les adultes s'occupaient d'eux, là vous avez l'exemple. Là c'est un garçon qui n'a jamais été à l'école, mais qui s'était pris d'affection pour le menuisier. Et le menuisier s'est servi évidemment de la menuiserie pour lui faire découvrir la géographie et tout le reste aussi. J'ai rencontré d'ailleurs des gens qui avaient vécu dans cette communauté et qui, bon maintenant, les derniers, je pense, sont morts. Voilà, ça c'est la construction toujours. Alors, ils ont été obligés de quitter New York parce que c'était l'époque juste avant la guerre de 14-18 Donc, comme il y avait beaucoup d'activités contre la guerre, etc., la police venait tout le temps. Donc, au point de vue pédagogique, pour les enfants, ce n'était pas très intéressant. Donc, ils se sont mis dans le New Jersey à Stelton pour pouvoir en avoir un peu de tranquillité. Voilà la communauté d'enfants. Ça, c'est le théâtre. La danse. Alors, là aussi, très grande importance pour donner au corps. On essaye de retrouver là les modèles de danse gréco-romaine, etc. Et voilà la communauté. Vous voyez que c'est quand même un groupe qui est très très important. Bon, pas tous les gens vivent dans le milieu, mais quand même un nombre assez important. Nous allons faire le saut très rapidement et venir aux communautés qui existent encore aujourd'hui. Alors, voilà d'abord Dancing Rabbit, qui est un éco-village qui se trouve, qui a été fondé en 1997, donc qui a maintenant 13-14 ans. Ça a commencé par des jeunes qui étaient à Berkeley et qui ensuite se sont installés dans le Missouri. Alors c'est un éco-village où ils construisent des maisons avec du matériel naturel. L'accent est mis sur la viabilité, la durabilité et l'utilisation de ressources facilement renouvelables. Là, on voit encore également, ils vont essayer de respecter l'écologie. Ils sont à peu près aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Ils ont aussi une monnaie locale. Ils ne demandaient à chacun que 24 heures de travail par an. Bon, les gens travaillent à l'extérieur, mais mettent en commun leurs possibilités. Les repas sont pris en commun 2 à 5 fois par semaine, chacun étant libre de choisir son régime alimentaire. Les membres ont conservé leurs finances personnelles. Alors, la communauté, cet éco-village, s'étend sur environ 113 hectares. Il a reboisé une partie de son terrain par la plantation de milliers d'arbres destinés à subvenir aux besoins des années à venir. Une autre partie est consacrée à reconstituer la nature à l'état sauvage. Et dans ce but, on a réintroduit des plantes indigènes pour préserver la biodiversité. Et une troisième parcelle est occupée par le potager. Alors, le travail fonctionne toujours selon le principe du budgétant. Par exemple, une heure de shopping pour la nourriture ou de travail à la cuisine ou au jardin est équivalente à une heure de salaire d'un membre qui travaille à l'extérieur. Voilà toujours Dancing Rabbit, encore quelques-unes des habitations. Le système de décision est très complexe, on pourra en discuter si vous voulez. C'est pas simplement un système de consensus, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais les décisions sont prises relativement aussi à l'unanimité. Voilà donc les membres de la communauté. Bon, il faut vous dire aussi que même que dans ces communautés-là, mais ça c'est un phénomène typique des milieux libres, il y a énormément de gens qui restent peu de temps et qui s'en vont et d'autres qui viennent. Il y a beaucoup. Moi j'ai connu quelqu'un, mais c'était dans un milieu libre en France, par exemple, une jeune femme qui avait décidé de venir vivre pendant 2-3 ans dans une communauté. Son intention était de vivre dans un énorme tonneau parce que son père avait été vigneron, que ça lui, il y avait un grand tonneau à la cave, donc elle voulait vivre dans un tonneau pendant 2-3 ans. Bon. Ça c'est une autre communauté qui se trouve à je crois qu'elle est à je ne me rappelle plus où elle est. Ah ben oui, à Seattle, à Washington, voilà, oui. Ah oui, alors dans cette communauté-là se trouve, je crois, si je ne me trompe pas, il doit y avoir Zerzan qui habite dans cette communauté. Alors on leur demande 110 heures de travail par mois pour les membres. Alors ils participent au fonctionnement et à la mise en place d'un fonctionnement de diverses technologies alternatives. Et par exemple, ceux d'entre vous qui vont sur l'Internet, vous êtes peut-être tombés quelquefois sur le serveur qui s'appelle riseup.net. Ça a été fondé, créé par un des membres de cette communauté. Alors, ils participent aussi à des activités sociales. Ils s'occupent, par exemple, de trouver des endroits où on peut construire des logements à prix très acceptable pour les personnes défavorisées. Ils ont une radio non commerciale, une agence de presse alternative et un restaurant où l'on peut payer une partie de son travail, du repas par son travail. Je passe maintenant, voilà, encore un aspect de la communauté. Alors, Emma Goldman Finishing School, c'est un autre collectif qui n'a rien à voir du tout avec une école, d'ailleurs malgré son nom, qui a lui aussi, c'est aussi une communauté sans but lucratif, mais c'est une petite communauté qui ne comprend qu'une douzaine de membres. Comme vous voyez aussi, là, très écologique, des nourritures très différentes de celles que... Et comme vous voyez, là encore, la danse qui joue un rôle important. Alors là, nous passons à un autre milieu libre. C'est une communauté de lesbiennes qui est dans l'Oregon et qui a été fondée en 1975 et qui existe encore aujourd'hui. Donc elle a 30 ans pratiquement, si je ne me trompe pas. Elle a eu énormément de mal parce que, d'abord comme femme, toute seule, comme ça, ce n'était pas accepté par l'environnement. Mais surtout, ils ont eu plusieurs hivers où c'était la pluie perpétuelle. Bon, et d'autre part, quand vous voulez vivre à la campagne et que vous plantez des choses, il faut attendre une année avant que ça pousse. Donc il faut pouvoir vivre et manger en attendant. Donc nous avons là des situations qui sont quand même très très difficiles. Mais ils ont réussi et elles ont voulu prendre aussi les métiers masculins. Donc là, par exemple, vous avez là des femmes qui construisent une rampe pour un fauteuil roulant à l'occasion d'une festivité. Ça, c'est un autre collectif. C'est un collectif punk qui est à Worcester, dans le Massachusetts. Lui aussi, ça fait maintenant 15 ans d'existence. Et voilà la communauté qui est la plus importante et la plus ancienne des communautés. Celle-là est très, très anarchisante. Elle a d'ailleurs créé une fédération des communautés égalitaires. Kat Kincaid, qui a fondé cette communauté, est morte l'année dernière. Alors, voyez, là, par exemple, c'est un bal cuir dans la communauté de Twin Oaks. Voilà, ça, c'est encore une célébration de l'équinoxe. Et voilà donc une photo de cette communauté qui est quand même aussi assez importante, qui doit avoir, je ne sais pas, aussi une bonne centaine ou 150 personnes. Voilà un peu en gros toutes les choses. Alors la conclusion de tout ça, eh bien, pourquoi est-ce que j'appelle ces communautés utopiques? Parce que je pense que ce sont des communautés qui essayent, pas forcément qui réussissent, qui essayent de ne pas tomber dans le nombrilisme, à se regarder elles-mêmes. Ça, c'est le grand danger dans tous ces milieux de vie, c'est que les problèmes internes prennent une importance telle qu'ils finissent par absorber toute l'attention. Ce sont donc des communautés qui sont ouvertes à l'avenir et qui appliquent l'utopie telle que je l'imagine, c'est-à-dire... Ah, si tu n'attends pas l'inattendu, tu ne le trouveras pas. Cette phrase d'Héraclite me semble très importante. Je crois qu'à chaque moment de notre vie, l'inattendu est là. Et être utopiste, c'est savoir le voir et savoir en chercher les opportunités. Merci. La parole est à vous. Peut-être allumer une lumière, oui, parce que, là, qu'on... On s'excuse de vous réveiller s'il y en a parmi vous qui dorment. Oui, Stéphane qui a baillé, mais j'ai vu personne dormir. Il y a un bouton, un interrupteur, voilà. Donc vous trouverez le livre de Ronald, on en a une dizaine d'exemplaires, c'est ici. Moi, j'avais une question pour commencer sur Robert Owen. Là, à l'origine, il n'a pas commencé en Écosse. Et non, il était gallois. Ah bon, alors en Écosse, ils ont au patrimoine de l'UNESCO, ils ont. Oui, j'étais très bref, n'est-ce pas? Robert Owen a créé des communautés en Angleterre aussi, et c'est quand même le père du socialisme britannique, n'est-ce pas? Le mouvement socialiste en Grande-Bretagne lui doit énormément beaucoup. Ce qu'on a appelé les Fabiens, le fabianisme, est venu de lui, n'est-ce pas? C'était un, Bon, il y a aussi l'influence de la Révolution française hein, qui joue, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Bon, son rationalisme est un rationalisme qui est aussi une sorte de foi dans la raison. Hein. Bonsoir. Désolé de vous avoir... Vous étiez debout, non? Non, ah, bon. On peut peut-être éteindre là pour ne pas que les gens aient le projecteur dans les yeux. Voilà. Moi, je n'en compte qu'une dizaine ou une douzaine seulement, hein, pas plus. Mais il y en a il y en a beaucoup qui ont des aspects libertaires. Celles-là, moi, je les considère comme étant vraiment libertaires parce qu'il n'y a vraiment pas de chef, n'est-ce pas? Mais les formules sont extrêmement différentes, comme je l'ai insinué, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des communautés où tout le monde travaille ensemble. Par exemple, la communauté de Twin Oaks, elle vit de sa production. Elle fabrique des nattes, des hamacs surtout, et puis du tofu. Donc ils vivent de ça. Alors que par exemple, celle des punks, là, ils travaillent à l'extérieur. N'est-ce pas? Bon, il y a des communautés qui mettent tout leur argent ensemble, d'autres qui, au contraire, chacun garde ses biens, et ainsi de suite. Donc c'est très variable. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres communautés que je n'ai pas vues, que je n'ai pas repérées. Par exemple, il y a beaucoup de... Moi, je n'ai pas mentionné, par exemple, je connais une communauté urbaine à la Nouvelle-Orléans, n'est-ce pas, où il y a là des gens qui vivent aussi depuis de très nombreuses années ensemble, mais qui ne sont pas répertoriés comme communauté, si vous voulez. N'est-ce pas? Et il y a aussi un aspect qui se développe beaucoup actuellement. C'est des systèmes d'éco-villages dans les milieux urbains même, des quartiers urbains, de gens qui, par exemple, des personnes âgées qui décident, je crois que j'en parle dans mon livre, des personnes âgées qui décident de se mettre ensemble et de s'entraider aussi, et qui vivent aussi d'une manière relativement égalitaire. Des gens qui ne se connaissaient pas au départ et que la vie a amené ainsi à se connaître, et ainsi de suite. Alors, des gens aussi qui, dans des quartiers, se sont arrangés pour multiplier les rues, pour pouvoir avoir les occasions de se rencontrer, qui se retrouvent ensemble une fois par mois pour manger, des choses comme ça. Donc il y a énormément de formes extrêmement souples de manière de partager les choses, quoi, des formes d'égalité très variables. Quoi. Est-ce qu'il faut aussi qu'il soit constitué un petit peu spontanément après le cyclone Katrina à Nouvelle-Orléans, en fait, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des quartiers qui ont été inondés, abandonnés de tous, et qui en fait se sont constitués, ont essayé de récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer, et se sont constitués en petites communautés de vie. Et en fait, au bout d'un certain temps, d'ailleurs, on les a virés, parce qu'en fait, les femmes ne pouvaient pas supporter ça, mais il semble qu'il y ait eu des expériences à peu près. Je crois que ça a été la plus importante expérience du mouvement anarchiste aux États-Unis de toute son histoire, en fait, on n'en parle pas, parce qu'il y a eu des milliers de gens qui sont venus comme volontaires à la Nouvelle-Orléans pour aider les gens qui ont créé une cuisine collective, qui ont créé des tas d'activités comme ça, qui ont aidé les gens à reconstruire leur maison et ainsi de suite, et qui continuent d'ailleurs encore aujourd'hui leur action dans les différents quartiers, etc. Bon, d'autres sont retournés évidemment à leurs travaux dans leurs différentes villes des États-Unis. C'est une expérience très intéressante et très importante. Vous pouvez trouver quelques éléments sur un de mes sites web qui s'appelle divergence au pluriel .be. Là, vous aurez une description de ça. Mais je ne parle pas de ces communautés-là, mais il y en a aussi, effectivement, aussi. Alors, là aussi, où il y a un problème également, ce que je n'ai pas vu, mais je pense que ça doit exister aussi, c'est des milieux de vie dans les milieux noirs, dans les milieux hispanophones, etc. Mais c'est peut-être moins... Ça paraît comme moins nécessaire, peut-être, parce que, bon, les milieux typiquement américains, disons, d'origine anglo-saxonne ou allemande, il n'y a pas ce que nous avons en France, par exemple, les grands repas familiaux, etc. Moi, j'ai connu des familles où on ne se retrouvait que devant le frigidaire, n'est-ce pas, pour chercher ce qu'il y avait à manger, parents, enfants et tout le monde. Donc, il y a ce besoin de communauté qui est moins nécessaire dans certains milieux, comme dans le milieu italien, dans les milieux juifs américains, dans les milieux hispanophones, parce qu'il y a déjà, malgré tout, la famille élargie, et donc ils sentent moins ce besoin-là. Alors que, si vous voulez, par exemple, dans nos sociétés ultra-modernes, où maintenant l'individu est tout seul en face de l'État, on sent le besoin d'avoir quelques remparts, et c'est d'ailleurs pour ça que nous assistons en France, par exemple, au communautarisme ethnique, quoi, qui est une forme de revendication collective. Mais c'est la grande tradition de l'État français d'essayer de supprimer tout ce qui est intermédiaire entre le citoyen et lui, quoi. Comme il y a la Révolution française qui a supprimé les corporations. Je ne veux pas défendre les corporations, parce que je donne simplement l'exemple. Ah, oui. Alors, le système de décision, bon, varie beaucoup aussi selon les communautés, n'est-ce pas? Mais, voilà, par exemple, je vais prendre celui... Oui, voilà, celui de Dancing Rabbit, par exemple. Alors, le collectif se réunit 3 heures par semaine pour faire le point et prendre des décisions sur les diverses tâches individuels et collectifs. Il n'y a ni chef ni groupe directeur, mais des sous-groupes variés. Alors, ce sont les sous-groupes qui décident eux-mêmes comment ils vont s'organiser, etc. Donc, il y a des différents comités qui sont créés, y compris un comité qui est pour voir comment les autres communautés fonctionnent, c'est-à-dire comment on peut améliorer les tâches de travail pour qu'elles soient plus agréables pour tout le monde. Et puis, alors, il y a un système de supervision de 3 personnes qui sont nommées pour 3 ans. Mais chaque année, 1 des 3 est nommé. Alors, quand quelqu'un est nommé, comment ça se passe? Il passe sa candidature, enfin, les candidats se présentent devant toute la communauté et tout le monde leur pose des questions. On leur demande, par exemple, comment est-ce que vous faites pour résoudre les conflits personnels? Comment vous faites s'il y a tout d'un coup une urgence financière? Etc. Et ensuite, donc, la communauté décide de prendre ou de ne pas prendre la personne. Et donc, vous pouvez encore, si vous vous opposez, il y a un tableau où vous pouvez écrire que vous vous opposez à cette personne-là. Donc, il y aura une deuxième réunion qui arrivera, dans laquelle vous allez pouvoir présenter vos objections, on va discuter, etc. Donc, si vous voulez, le système de décision est très complexe, c'est-à-dire ce n'est pas... Toutes les décisions ne sont pas prises par tout le monde tout le temps, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les différents groupes de travail qui s'occupent par exemple du jardinage. Bon, c'est eux qui organisent les choses comme ils l'entendent, ou enfin comme la communauté aussi le propose éventuellement. Bon, après il peut y avoir... Alors il y a aussi une chose très importante dans beaucoup de ces communautés, des gens qui se spécialisent pour la résolution des conflits, c'est-à-dire qui apprennent comment faire quand il y a des conflits interpersonnels. Parce qu'il faut vous dire que dans les milieux de vie, les conflits interpersonnels sont beaucoup plus graves que dans un couple. Parce que tout le monde y participe, tout le monde est témoin. Donc c'est une espèce de caisse de résonance qui grossit les événements et qui fait que ça prend des dimensions cosmiques. Donc... D'un autre côté, c'est très bien parce que ça fait éclater le problème. Tout le monde apporte des éléments, etc. Alors, normalement, dans beaucoup de ces milieux, quand il y a un conflit, bon, quelquefois, c'est un conflit dans 2 personnes qui sont dans la même équipe de travail. Bon, alors, on essaye d'abord de résoudre ça, que c'est l'équipe au niveau de l'équipe de travail qu'elle va essayer de résoudre. S'ils n'arrivent pas, par exemple, ils vont chercher un ami commun qui va essayer de les aider à résoudre le conflit. Et... Finalement, bon, si le conflit ne se résout pas, etc., ben, tout le monde va se rassembler, etc. Et il est arrivé, mais c'est très rare, par exemple, dans la communauté de Twin Oaks, je crois que dans l'histoire de 15 ans ou de 20 ans, il y a eu 1 ou 2 exclusions en tout, ce qui n'est pas grand-chose quand même. Mais il faut dire aussi, c'est que justement maintenant, dans toutes ces communautés, justement, qui sont stables, vous n'entrez pas comme ça. Vous devez faire un séjour d'un certain temps, qui peut être de 3 mois ou même plus, et c'est ensuite seulement ça, ce qui vous donne d'ailleurs la possibilité à vous aussi de pouvoir vous retirer si vous trouvez que ce n'est pas... Moi, je veux dire que j'avais essayé aussi l'expérience, mais une journée m'a suffi, parce que je suis un grand frileux, et qu'on était au mois d'août et que j'avais froid. N'est-ce pas ? donc, je pense que c'est aussi très sage, n'est-ce pas? Parce que, bon, à un moment, à l'époque des hippies, etc., il y avait beaucoup de ces communautés qui se créaient un peu comme ça, avec tout le monde qui venait et qui arrivait et qui se posait des tas de... Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Je ne connais pas toujours les réponses, mais je sais que, par exemple, dans la communauté de lesbiennes, on s'était posé la question, est-ce qu'on va recevoir, accepter des femmes qui ont des enfants mâles? Donc, je veux dire, il y a beaucoup de raisons d'avoir des conflits, n'est-ce pas? Je crois, c'est... Le problème n'est pas de ne pas avoir de conflits. Je crois qu'une société où il n'y a pas de conflits, ou un couple où il n'y a pas de conflits, c'est un couple où il y a quelqu'un qui domine l'autre, n'est-ce pas? On ne connaît pas les joies de la réconciliation. Le problème n'est pas d'avoir, de ne pas avoir de conflits. Le problème est d'arriver à les gérer. Mais le conflit, c'est la richesse de la vie. C'est les différences qui éclatent, et nous sommes unis justement parce que nous sommes différents, c'est ça qui fait la richesse de l'anarchisme, justement, de jouer sur ces différences et sur les incompatibilités. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu, c'est-à-dire que si vous voulez, ce n'est pas le consensus à l'unanimité comme ça brutalement. Ah oui, c'est associatif, oui, bien sûr. Ah oui, c'est tout à fait associatif. Est-ce qu'il existe des réseaux d'entraide entre les différentes communautés? Beaucoup. Que ce soit par des journaux, des oui. sites internet? Oui. Alors, la première chose qu'il y a, c'est déjà bon, beaucoup de festivals. Hein. Il y a beaucoup de festivals. Par exemple, bon, il y a des festivals de toutes les femmes, des autres communautés lesbiennes, avec... d'autres milieux féminins, mais il y a aussi des festivals intercommunautaires.